Chapitre 4. La Madeleine. Le lendemain, au siège de la Gestapo, ce fut le branle-bas de combat. Kolz, qui avait déjà sa petite idée sur l'auteur de cette fuite d'information ayant fait échouer ses plans machiavéliques, avait réuni tout son état-major et ses collaborateurs dans son bureau, à l'exception des deux secrétaires, afin de faire le point sur cette opération ratée. De nature méfiante, Kolz soupçonnait tout le monde au cœur de son service, et en particulier les deux employés qui étaient restés dans leur bureau durant cette brutale incursion chez les Delbar. Quelques jours après, ces dernières furent convoquées dans une annexe de la ZIPO-SD, située 4 avenues du Jardin botanique à la Madeleine. Kurt Kolz les attendait toutes les deux afin de les interroger séparément. Seule Marie Gérard, la secrétaire et maîtresse de Kolz, connaissait à l'avance l'organisation de cette arrestation qui était précisément détaillée dans un document qu'elle avait consciencieusement tapé à la machine. Kurt Kolz se demanda comment Justine aurait pu avoir une seule seconde connaissance de cette mission de premier ordre sans que Marie Gérard l'en informe. Marie Gérard et Justine étaient-elles complices ou rattachées toutes les deux à un réseau de résistance? Après une heure d'interrogatoire, Marie Gérard sortit du bureau de Kolz en pleurs, soulagée de ne pas avoir été accusée à tort par son patron et amant. Elle croisa du regard Justine, qui attendait toute tremblante dans une minuscule pièce adjacente, afin d'être à son tour interrogée. Cette dernière était là, tête baissée, transie de froid et terriblement angoissée à l'idée d'être questionnée par ce bourreau. Kurt Kolz ouvrit soudainement la porte et, avec un grand sourire, tel un médecin de famille, invita Justine à s'installer devant son bureau sur une modeste chaise en bois. Il était très énervé et tournait dans cette minuscule pièce comme un lion en cage, prêt à bondir sur une proie. Il lui fallait absolument trouver le ou la coupable. Nerveusement, il prit tout de suite la parole. « Ma chère Justine, vous savez pour quelle raison vous êtes présente ici aujourd'hui, je suppose. » Complètement prostrée, Justine ne répondit pas. « Eh bien, Justine, je vous trouve bien muette. Ne jouez pas avec mes nerfs. Êtes-vous sûre d'être toujours aussi discrète avec votre entourage et d'avoir gardé le secret de nos opérations extérieures ?» D'un geste violent, tel un maître d'école excédé par le comportement de son élève, Kolz saisit entre son pouce et son index le menton de Justine. Le ton de sa voix fut plus incisif. « Regardez-moi bien dans les yeux, Justine. Dites-moi, vous n'avez pas trahi ?» Justine resta stoïque. Kolz s'éloigna d'elle lentement et, en l'absence de réponse, revint soudainement afin de lui flanquer une énorme gifle sur la joue gauche qui la fit vaciller puis trébucher. En pleurs, la lèvre fendue, Justine fut sonnée par ce coup porté à son visage. Elle gisait là sur le sol, aux pieds de son patron, qui était devenu en quelques secondes un véritable tortionnaire sans limite. « Relevez-vous, Justine, c'est un ordre. Je n'aime pas qu'on me prenne pour un idiot. Certes, c'est votre collègue Marie Gérard qui a tapé l'ordre d'arrestation du couple Delbar. Mais il y a une semaine, vous êtes bien resté seul dans votre bureau et avez certainement eu tout le temps pour fouiller nos placards. Vous n'êtes pas retombé par hasard sur ce dossier classé secret défense. » Justine ne répondit pas. « De plus, j'ai mené ma petite enquête sur vous, et à ma grande stupéfaction, j'ai découvert que Claire Delbar, que je devais arrêter à Tourcoing, est tout bonnement votre cousine. Vous êtes une petite cachotière, Justine. Je vous croyais plus intelligente, et surtout plus habile dans la dissimulation de votre rôle d'agent double. C'est impardonnable, mademoiselle Denecker. Vous connaissez pourtant les conséquences d'une telle trahison au sein de nos services. Maintenant, parlez-moi de vos activités de résistante. Dites-moi tout sur votre réseau. Quel est son nom? Où est-il localisé? Je veux tout savoir. » Dans un mutisme complet, la pauvre Justine subit durant plus d'une demi-journée le harcèlement moral et les coups de Kurt Kolz, assistée de sa secrétaire et maîtresse Marie Gérard, qui tapait avec le plus grand sérieux et dans une totale indifférence le rapport concernant cet interrogatoire des plus violents. Justine ne parla pas et garda le silence sur ses activités au sein de l'armée des ombres. L'étrange message de Radio Londres découvert par son frère Michel quelques semaines auparavant était en effet prémonitoire, puisque le divin marquis avait bien laissé entrer l'infortune dans sa demeure et la vertu caractérisée par l'attitude de Justine au cœur de la ZIPO-SD rue des Jardins. Après 2 jours à croupir dans les geôles de la rue François de Batz et à subir la brutalité de Marie Gérard Verbrugge, qui, en plus de son rôle de simple secrétaire, participait activement avec Kourkholz aux tortures des prisonnières, la pauvre Justine avait été transférée au fort de Bondu pour subir d'autres interrogatoires. Physiquement très affectée par tant de brutalité, elle fut incarcérée avant son jugement par une cour martiale dans le quartier des femmes de la prison de Loos. Son frère, Michel, essaya d'intercéder auprès de Kourkholz lors de leur fréquente rencontre à la taverne Gaspard durant les multiples parties de 4-21, mais en vain. Kholz menaça même Michel de lui réserver le même sort que sa sœur s'il continuait à insister de le harceler chaque semaine sur cette affaire. Au fond de lui, et malgré son immense tristesse, Michel était fier que sa sœur Justine se soit sacrifiée pour sa cousine Claire, son mari Hubert Delbar, ainsi que leur fils Louis. Grâce à elle, ces derniers avaient réussi à franchir la ligne de démarcation pour rejoindre enfin une planque dans le sud de la France. Durant plusieurs semaines, le petit Louis Delbar était caché par Madame Delpierre au sein de sa modeste habitation tourquenoise. Chaque jour, elle tentait de le protéger du regard des voisins qui, à tout moment, pouvaient la dénoncer. La situation devenait scabreuse et intenable. En effet, l'enfant avait eu l'interdiction de jouer dans le jardin à la vue de tous. Il était cantonné dans l'arrière-cour à lire des livres, à réviser ses leçons en silence dans sa chambre ou à aider de temps à autre Lucienne dans ses tâches ménagères. Seul le prêtre de la paroisse de la Marlière à Tourcoing était au courant de la présence du petit Louis chez Madame Delpierre. Tous les mercredis, il lui donnait des leçons de catéchisme à domicile jusqu'au jour où il eut l'idée de le transférer en lieu sûr dans un couvent de Roubaix tenu par les sœurs Clarisse, les religieuses entrées en résistance grâce au syndicalisme chrétien.